Merci Michel pour cette très belle leçon de méthodologie. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Elie Haddad pour un exposé qui lui non plus ne devra pas dépasser les 20-25 minutes. Oui, je vais essayer de tenir le temps. Alors la présentation que je vais faire du rapport et puis le point de discussion vient en grande partie d'un texte que j'ai rédigé avec Laurence Giavarini pour l'association Sauvons l'Université. Hein, donc pour dire aussi d'où je parle. Et le texte complet pouvant être consulté sur le site de Sauvons l'Université. Alors, plusieurs textes de ce type ont été rédigés par différents membres, signés comme ça par des gens et pour SLU, parce que ce sont en fait des textes qui circulent dans le CA de l'association, puis qui sont validés par l'association. Donc, ils s'insèrent dans une réflexion collective et qui a un double objectif, au moins, hein, qui est d'analyse des réformes en cours et pour essayer de les éclairer. Et puis, un autre objectif qui est de redonner toutes leurs dimensions politiques, dans tous les sens du terme, à l'université, à l'enseignement supérieur et à la recherche, avec les choix que cela suppose, en opposition à un discours gestionnaire qui masque cette dimension politique et les choix effectués. Alors, un bref rappel pour commencer. Le Conseil pour le développement des humanités et des sciences sociales, alors moi je dis CDHSS, mais c'est la même chose, a été mis en place le 2 septembre 2009 par Valérie Pécresse. Il est composé, Michel vient de le rappeler, de membres nommés, qui ont pour mission, alors je cite, hein, d'explorer les enjeux de formation, de qualification et d'insertion des étudiants qui choisissent les filières des sciences humaines et sociales de nos universités, d'engager une réflexion sur la structuration de notre potentiel de recherche dans le nouveau paysage français qui s'appuie désormais sur des universités autonomes, les instituts du CNRS, le réseau des maisons des sciences de l'homme et l'ensemble des établissements et des organismes parties prenantes dans la production scientifique de ces champs de la connaissance, de réfléchir aux spécificités de l'évaluation dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, de dégager les grands enjeux scientifiques qui animeront les sciences humaines et sociales françaises dans les années à venir et d'œuvrer au renforcement de notre exceptionnel potentiel de recherche. Voilà, ça c'est la mission du CDHSS. Alors le 14 janvier dernier, donc, ce conseil a remis son premier rapport d'étape intitulé « Pour des sciences humaines et sociales au cœur des universités », rapport divisé en 4 chapitres, dont je vous donne les titres, « Vers un enseignement plus généraliste dans les licences de sciences humaines et de sciences sociales », Les sciences de l'homme et la société et de la société face à la mission d'orientation et d'insertion professionnelle des universités, l'enseignant-chercheur en SHS trouver le temps de la recherche, le dispositif institutionnel de la recherche en SHS, quelle coordination entre universités, organismes et agences. Chacun de ces chapitres se clôt par une série de recommandations et la conclusion ouvre sur des perspectives pour inscrire les SHS dans le cadre du grand emprunt. Bon, alors ce rapport offre une façade mesurée et informée, assez loin de certaines déclarations à l'emporte-pièce qu'on a pu entendre dans l'année passée. Il s'agit pour le CDHSS de se légitimer tant auprès de la communauté des universitaires et des chercheurs que des médias et du ministère lui-même. Aussi, ce rapport est-il en apparence pleinement dépolitisé, comme s'il ne s'inscrivait pas précisément dans une politique à laquelle ses auteurs, comme l'a montré Michel Barthélémy, adhèrent en acceptant ses attendus et son cadre intellectuel qui délimite étroitement l'espace de la réflexion, ce qui n'empêche évidemment pas des différends sur les orientations spécifiques à suivre dans le détail pour les SHS. Alors néanmoins, ce rapport est signé collectivement par le CDHSS, donc je prends le CDHSS ici comme auteur collectif, et je considérerais que chacun de ses membres assume la posture de cet auteur collectif, ainsi que les analyses et les préconisations du rapport. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Michel a montré des problèmes posés par les rapports officiels comme genre politico-scientifique. Je vais aussi laisser de côté, dans la discussion du rapport, ce qui concerne le CNRS, puisque Jacques Lotman en parlera après moi, et je vais me contenter d'une présentation du contenu de ce rapport, de manière synthétique. Je vais essayer d'être fidèle au contenu, mais je vais aussi insister sur les points qui, selon moi, font problème. Donc, je ne vais pas non plus tout dire. Et je me concentrerai ensuite, dans un second temps plus critique, sur la place des disciplines dans le rapport, sur la façon dont cette place est articulée à l'employabilité des étudiants et sur la conception des sciences humaines et sociales qui transparaît derrière cela. Alors donc, première partie sur la présentation du rapport. Alors, je pose une question. Est-ce que je peux faire bref ou est-ce qu'il vaut mieux, le rapport n'étant pas connu d'un grand nombre de personnes, que je dise tout ce que j'ai prévu? Oui, il vaut mieux. Enfin, bon. Il faut aussi tenir les temps. Oui, je tiendrai les temps. Mais c'est bon, nous vous avions chaudement recommandé la lecture détaillée de ce texte. Vous vous en souvenez, vous aviez un lien, vous n'avez aucune excuse. Bon, je vais essayer de faire dans le milieu. Alors, le point de départ de la réflexion du rapport, c'est ce qu'il désigne comme une double angoisse, celle des étudiants des SHS quant à leurs débouchés professionnels et celle des universitaires et des chercheurs concernant leurs conditions de travail et le sens de leur métier. Bon. Pour engager sa réflexion sur l'avenir des humanités et des sciences sociales, le Conseil déclare qu'il a pensé que le mieux était de partir des attentes des étudiants et de se concentrer sur les problèmes les plus urgents, qui sont la nécessité de donner une place plus importante à des enseignements généralistes dans les licences de SHS, les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle des étudiants diplômés de SHS, la manière dont les transformations de la vie universitaire amènent à rythmer différemment les carrières des enseignants-chercheurs, et enfin le besoin d'une coordination plus efficace entre les organismes et les universités en matière de recherche. Et donc, le texte est divisé en 4 chapitres. Alors, sur le premier point, donc la place des enseignements généralistes, d'enseignements plus généralistes, alors les rédacteurs du rapport considèrent que la spécialisation disciplinaire, qui n'aurait existé historiquement que parce que les universités formaient les futurs enseignants du secondaire, est inadaptée à la grande diversification des missions de l'enseignement supérieur en SHS. Ainsi, ces études ne seraient plus à strictement parler professionnelles, puisque l'enseignement n'est plus le débouché professionnel de la majorité des diplômes. C'est page 16. Comme les étudiants auront, suppose-t-on, nécessairement plusieurs métiers au cours de leur vie, il faudrait développer leur capacité d'adaptation par la pluridisciplinarité. Il n'y a pas de meilleur indice, dit le rapport, de leur aptitude à une formation professionnelle complémentaire rapide, en entreprise ou ailleurs, que leur curiosité, donc que leur absence d'enfermement disciplinaire. L'une des recommandations que le CDHSS tire de cette analyse est la nécessité de rétablir une première année de propédeutique modernisée à l'université, en distinguant cette année de ce qui se passe en classe préparatoire ou dans les premiers cycles des instituts d'études politiques, dans lesquels les étudiants sont sélectionnés et forment un public relativement homogène, ce qui n'est pas le cas en université. Alors, il s'agit là, cette année de propédeutique, que d'une piste possible parmi d'autres, le CDHSS encourageant toutes les initiatives locales qui vont dans le sens d'un amoindrissement de l'enseignement d'une seule discipline en L, notamment dans le cadre du plan licence mis en place l'année dernière. L'objectif est d'aboutir à un enseignement à la carte dans lequel le choix des étudiants serait guidé afin de conserver une cohérence des parcours et une offre diversifiée de formation qui, je cite, « intègre transmission des savoirs et acquisition des compétences ». Le CDHSS entend en effet dépasser l'opposition entre cette transmission des savoirs et cette acquisition des compétences, l'une ne pouvant pas aller sans l'autre dans le paysage nouveau où l'université doit désormais former un large éventail de professions autres que l'enseignement. Le CDHSS préconise que ces mesures soient accompagnées d'un renforcement de l'enseignement à l'esprit de la recherche, qui passe, selon lui, par la réflexion sur l'utilité des sciences humaines, la formation à la rigueur méthodologique et l'initiation à la recherche. Et sur le premier point, le rapport affirme clairement l'utilité des SHS, c'est d'abord la multiplicité des applications et ensuite l'élaboration du sens, entre parenthèses, critique. Deuxième chapitre sur les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. L'objectif de cette esquisse de réforme de la licence est de renforcer, je cite, l'employabilité des étudiants de SHS. Le terme n'est pas défini ni mis en perspective dans une réflexion sur l'emploi, j'y reviendrai. Les auteurs du rapport prennent acte d'une inquiétude devant la possible dénaturation de la mission de production et de transmission de savoir qui est celle des universités. Face à l'exigence qui leur est aujourd'hui imposée de conduire les étudiants dans le monde du travail, en réponse, ils rejettent la professionnalisation des contenus des enseignements et appellent à penser celle des parcours en accent ces derniers sur les compétences que donneraient les formations SHS et qui leur semblent pouvoir être valorisées sur le marché du travail. Dès lors, la véritable question soulevée par le rapport devient celle de la bonne orientation des étudiants. Alors, la sélection à l'université semble faire débat parmi les membres du CDHSS, mais ils se retrouvent sur l'idée qu'il faut avant tout résoudre les problèmes d'orientation. Faisant le constat que l'emploi des étudiants SHS est dépendant de la conjoncture de l'emploi, très dépendant de la conjoncture de l'emploi public, le CDHSS préconise que ces étudiants soient incités, je cite, dès le début de leur formation à explorer les possibilités d'emploi qu'offrent les entreprises du secteur privé, car c'est principalement de ce dernier que peuvent venir sur le long terme une multiplication des débouchés professionnels. Ce d'autant plus que, selon le rapport, il se produit aujourd'hui une convergence réjouissante entre le souci, je cite, de culture générale qui continue à animer les filières des sciences humaines et la préoccupation des entreprises de disposer d'esprits formés à cette culture générale. Pour cela, la première recommandation du CDHSS est que les universitaires s'engagent pleinement dans le travail d'insertion des étudiants et que cette activité soit reconnue dans leurs tâches. Seconde et principale recommandation, développer les stages pour les étudiants afin de compenser leur absence d'expérience professionnelle et favoriser ainsi leur employabilité future. Les auteurs indiquent qu'il ne faut pas mettre en place de procédures uniformes. Chaque université saura au mieux comment rapprocher les filières des SHS des entreprises. On comprend que ce qui est visé, c'est d'abord le bassin d'emploi régional de chaque université, sauf pour les plus importantes qui pourront développer des coopérations avec les grandes entreprises. Pour ce qui est de la recherche, qui reste, selon le CDHSS, essentielle dans les missions de l'université, le problème est le taux de chômage des docteurs, trop important. Et le CDHSS préconise de réduire le nombre de doctorants par la sélection. Et puis, quoique cette recherche soit essentielle, force est de reconnaître que les entreprises n'ont pas grand-chose à faire du contenu de ces recherches. Et là encore, c'est la notion de compétence qui est mobilisée pour répondre à ce problème. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet de la recherche, mais les savoir-faire acquis pour et à travers sa réalisation. Une autre solution proposée est de développer la recherche en SHS dans les entreprises. Mais comme on ne saurait penser que ce sera une source de recrutement massif, il faut inciter, je cite, les jeunes docteurs à la création d'entreprises de conseil qui offriront leurs services de recherche aux entreprises sur des objectifs ciblés. Les rédacteurs préconisent en outre de favoriser la mobilité professionnelle. Une fondation favorisant leur insertion pourra les y aider et une charte de bonne conduite distribuera les bons points aux universités et aux entreprises qui auront de bonnes pratiques d'insertion des diplômés de SHS. Troisième chapitre, sur les transformations de la vie universitaire, je vais être plus bref car le chapitre lui-même l'est. Les membres du CDHSS, en ouverture de ce chapitre, admettent le malaise de la communauté universitaire, fruit d'un sentiment justifié ou non, c'est page 68, l'impression des universitaires d'être maltraités, de voir leurs conditions de travail se dégrader et leurs tâches s'alourdir, ont conduit à des protestations plus ou moins rationnelles, page 69. La situation n'est pas si dramatique que cela. L'ANR a, selon eux, permis d'accroître les moyens à disposition des chercheurs, mais elle va de pair avec une concurrence accrue, alors que la sous-administration des universités est une réalité. De ce fait, les tâches des enseignants-chercheurs sont lourdes et amenées à s'alourdir. Le sentiment d'accablement vient du fait que, je cite, « beaucoup d'enseignants-chercheurs continuent à imaginer, comme cela a été le cas il y a quelques décennies, pouvoir ou devoir tout mener de front, enseignement, soutien aux étudiants, administration, recherche. Cela n'est pas possible. Aussi, les universitaires doivent-ils, au cours de leur carrière, s'investir plus ou moins dans les différents aspects de leur métier, et il faut récompenser ceux qui participent aux tâches administratives ou à l'insertion des étudiants, notamment par la modulation de services prévue par la loi Pécresse. Et les auteurs plaident pour des congés sabbatiques réguliers, comme cela se fait ailleurs, et pour une circulation plus importante des chercheurs et des enseignants-chercheurs entre enseignement et recherche. En souhaitant la concurrence entre chercheurs aille de pair avec une solidarité renforcée. Quatrième et dernier chapitre, sur le besoin d'une coordination plus efficace entre organismes et universités, Cette dernière partie passe donc de l'échelle individuelle à celle des institutions. Les auteurs affirment de la même façon que la saine concurrence mise en place par les réformes pour favoriser l'excellence peut se conjuguer avec la concertation en vue d'une meilleure coordination des structures et des niveaux. L'enchevêtrement de ceci rend plus difficile la tâche des directeurs d'unité, tiraillés entre des exigences contradictoires de différentes tutelles et institutions. Le Conseil défend l'idée qu'il faut soutenir l'ANR en matière de programmation contre le rôle du CNRS actuel. Il va dans le sens du rapport d'Aubert demandant à restreindre à deux les tutelles des unités de recherche. Il critique également la politique d'évaluation des unités faite par l'Institut ISHS du CNRS sur des critères opaques et le déséquilibre que cela introduit par rapport aux universités et aux évaluations faites par l'AERS. Et il soutient cette dernière et critique le caractère unilatéral des décisions prises par l'INSHS et par la direction des partenariats du CNRS concernant le devenir des UMR. Enfin, le CDHSS critique le comité national, à la fois dans son rôle d'évaluation des chercheurs et dans sa mission de prospective qu'il remplirait mal. Donc, ces recommandations visent à prolonger les transformations engagées dans la logique de la loi LRU et vont à l'encontre des prérogatives que l'INSHS est parvenu à conserver dans la tourmente l'année dernière. Et il réclame que le rôle de l'INSHS soit réduit aux niches scientifiques, aux laboratoires internationaux, à l'investissement dans les MSH, et que ces recrutements portent sur les domaines de recherche interdisciplinaire dans lesquels l'université n'est pas encore assez présente. L'INSHS doit se transformer, je cite, en agence de moyens humains, sous la forme d'accueil de délégations pour quelques années et de mise à disposition de personnel compétent pour les unités. Et pour couronner ce nouvel édifice de la recherche en SHS, le CDHSS prône la création d'une alliance nationale pour les SHS aux côtés de celles déjà existantes, qui serait chargée de coordonner les différentes structures existantes et d'assurer programmation et prospective. Alors, seconde partie, où je vais essayer d'être vite. J'ai combien de temps ? Tu disposes en principe de 3 minutes. 3 minutes, ça va être compliqué. Alors, je voudrais juste revenir sur les éléments de critique que Laurence Javarini et moi avons formulés sur la façon dont le rapport articule critique de l'enseignement disciplinaire, employabilité et utilité des SHS. Il y a là à la fois des enjeux politiques et intellectuels importants. Alors, la critique de l'enseignement disciplinaire repose dans le rapport du CDHSS sur des présupposés jamais explicités et sur un constat tronqué. Le constat, c'est que l'insertion des diplômés de SHS dans le monde du travail serait d'une faiblesse inquiétante. Or, nombre de statistiques et les chiffres fournis par le CDHSS lui-même ne vont pas dans ce sens. Je passe sur les détails. Le principal présupposé, c'est que l'enseignement d'une discipline sclérose la pensée et nuit à la capacité d'adaptation des étudiants. Je considère à l'opposé que les capacités vantées par le rapport, rigueur intellectuelle, capacité d'analyse et de synthèse, sont acquises par une formation exigeante dans une discipline. Le relativement bon niveau d'intégration des diplômés des filières SHS est à mettre au crédit non du système nouveau préconisé par le CDHSS, mais bien de l'ancien fondé sur l'apprentissage disciplinaire. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille que les étudiants se frottent à d'autres disciplines que celles qu'ils ont choisies. Mais cela suppose de penser que ce ne sont pas des compétences immédiatement repérables et mesurables qui sont acquises dans les formations disciplinaires, mais une forma mentis avec des capacités intellectuelles susceptibles d'être mises en œuvre dans des métiers différents. Et on peut noter également que si l'enseignement généraliste ne s'accompagne pas de moyens considérables, il se réduira, comme c'est le cas actuellement, à un saupoudrage où, sous prétexte d'élargir les connaissances, on perd la notion même de ce qu'est un savoir, avec le risque de détruire ce qui est une relative bonne intégration, au moins pour les diplômés actuels. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'enseignement disciplinaire ne formait pas ou ne pourrait pas former à la rigueur méthodologique, à l'interrogation sur l'utilité des sciences humaines et à l'initiation à la recherche que les rédacteurs appellent de leur vœu. Derrière cette opposition quant au statut du disciplinaire, il y en a une autre qui concerne ce qui est transmis et appris dans l'enseignement en SHS. On retrouve là le débat autour de la notion de compétence que le CDHSS rejette. Dans un exemple de Rennes 2 qu'il prend comme modèle, l'université est considérée comme étant un lieu de l'acquisition de compétences contre une vision archaïque qui est celle d'une conception hors du temps de l'université, de production et de transmission des savoirs. Bon. Cette conception considère que l'insertion et l'orientation ne font pas vraiment partie des missions d'une université contre celle de l'acquisition des compétences. Donc, transmission des savoirs et acquisition et valorisation des compétences renvoient à deux conceptions tout à fait différentes de ce qui est enseigné et transmis en CHS et de la place que cela doit avoir dans la société. Le rapport tente de préserver les deux ensemble en prenant un équilibre, mais comme la perspective générale est de résoudre le problème de l'employabilité des étudiants, c'est bien le second pôle, celui de l'acquisition des compétences, qui prend le pas sur le premier, d'autant que les compétences à acquérir sont en fait pensées en fonction des demandes des entreprises. Aussi, c'est bien le contenu des enseignements même qui sera amené à être modifié, puisqu'on ne peut séparer artificiellement contenu et finalité. Le CDHSS prétend, en axant sa réflexion sur la question de l'emploi, partir des attentes des étudiants. Mais nulle étude ne vient indiquer quelles seraient ces attentes. Bon, cette attente postulée de l'emploi est en fait sans arrêt indexée sur les attentes des entreprises qui prennent finalement le pas sur une étude véritable des attentes et des parcours des étudiants. On comprend alors pourquoi l'employabilité, terme issu du vocabulaire économique néolibéral, est la pierre de touche du rapport du CDHSS. Le cercle de la réflexion circonscrit un espace dans lequel les attentes des étudiants, trouver un emploi à la fin de leurs études, sont liées aux attentes des entreprises en termes de compétences souhaitées des étudiants à SHS afin qu'elles les recrutent. Ainsi, le désir de trouver un emploi est-il traduit dans la langue entrepreneuriale en désir d'employabilité dont les attendus économiques et sociaux ne peuvent pourtant être plaqués sur les conceptions que les étudiants ont de leur avenir, au moins sans des enquêtes sérieuses. On a ici, me semble-t-il, un exemple assez frappant de la délimitation du cadre d'analyse dans les rapports officiels, pointé par Michel tout à l'heure, et des déficits heuristiques qu'elle engendre. Ainsi, le rapport ne trouve-t-il que ce que le ministère qui, par sa politique, a délimité le champ dans lequel l'université doit être pensée, entend qu'il trouve. Bon, je vais arrêter là. Élie, merci beaucoup de cette sagesse et tu pourras bien entendu revenir sur d'autres arguments dans le débat. Puisque l'exposé s'appuie sur un texte aussi de nature collective, je voudrais en mentionner un autre qui nous a été remis en début de séance. Un nouveau conseil pour les sciences humaines et sociales, texte rédigé par l'Association nationale des candidats aux métiers de la science politique et je crois dont association dont un des représentants participera au débat tout à l'heure et je le remercie à l'avance.